بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, nous sommes toujours dans le kitab التوحيد et dans le chapitre de باب من الشرك اللبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعي. Donc le chapitre fait partie du shirk, le fait de se parer soit d'anneaux, de colliers, d'amulettes, etc., pour repousser un mal ou pour s'en protéger. On avait vu, le shir, il avait cité comme premier verset la parole d'Allah, « قُلْ أَفْرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِدُرْ هَلْ هُنَّ كَشِفَةُ دُرْرِ » On avait vu que ce verset-là, le shir, malgré le fait que ce verset-là, sans aucun doute, il a été révélé concernant le shirk al-akbar, et dans le shirk al-ibada, dans le shirk de l'adoration, le shirk, il a voulu montrer quoi? Que tout ce qui est, de la même manière que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Jalla wa'ala, étant donné que ça ne profite en rien, ça ne mérite pas l'adoration. Sur le même principe, donc, c'est basé sur ce qu'on avait dit, al-qiyas, il a fait un qiyas, le shirk, que ce qu'Allah Jalla wa'ala n'a pas désigné comme sabab, comme cause, il ne convient pas que le croyant s'y attache par la croyance. Puisqu'on a dit que le shirk dans ce chapitre-là, concernant les talismans, les amulettes, les bracelets, etc., que les gens de l'Jahiliya ils utilisaient, que c'est un shirk dans la seigneurie ou dans la croyance, puisque c'est le fait de croire que cet objet-là, est un sabab, est une cause qu'Allah Jalla wa'ala l'a créé comme cause, et qu'il a un effet dans le fait de le porter, qu'il a un effet, évidemment, par la volonté d'Allah, puisque c'est, à la base, on a dit, un shirk asghar, mais qu'il a un effet pour protéger ou pour repousser un mal. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala, par cette cause-là, il va repousser un mal, et où il va protéger d'un mal. Et on a dit, la chose importante dans ce chapitre-là, c'est que le sabab, ce qu'on prend comme cause, comme sabab pour se protéger ou pour repousser un mal, il est établi par deux choses. Soit directement par la législation, on avait cité l'exemple du miel ou de l'habba saouda ou d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Soit Allah Jalla wa'ala a cité comme le miel dans le Coran, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Ou alors, la deuxième manière d'établir un sabab, c'est, on avait dit, et-tajriba, l'expérimentation. Et on avait dit que c'est le cas de la majorité aujourd'hui des médicaments qu'on connaît nous aujourd'hui. C'est donc les chercheurs, ils mettent au point des molécules, ils testent des molécules pour voir quels effets elles ont et pour en faire des médicaments contre telle ou telle maladie. Donc ce sabab-là est ni établi ni par la législation, ni par l'expérimentation, ça devient un sabab qui n'est pas légiféré, et donc c'est un sabab qui est interdit. Et le fait de le prendre comme sabab, de croire que par ce sabab-là, Allah Jalla wa'ala, peut nous guérir, peut repousser un mal, c'est une sorte de shirk. Et c'est le fait de, les ulama disent que c'est le fait de mentir sur la sharia, de mettre une chose comme sabab qu'Allah n'a pas mis, et c'est le fait aussi, ça a une incidence dans la croyance au qadar, à la prédestination. De faire reposer ce qu'on appelle le musabbab, une conséquence, un effet, sur un sabab, alors qu'il n'y a aucun, sur une cause qui n'est absolument pas prouvée. Donc ça, c'était le premier verset. Donc le shirk, il a utilisé ce verset-là, donc révélé dans shirk al-akbar fil ibada, pour faire un qiyas et en faire un dalil pour shirk al-asghar fi l'i'tiqad, fi l'rububiyya. Et c'est un qiyas qui est sahih. Et bon, c'est pour ça qu'il y en a qui, comme on avait dit, il y en a, on va voir aussi, concernant le hadith suivant qu'on avait lu ici, ça, concernant le verset, il y en a qui disent que le verset n'a rien à faire dans ce chapitre et que le shir, il utilise des textes du Coran et de la Sunna qui n'ont pas de rapport avec le sujet, etc., pour évidemment contredire la da'wa du cheikh et pour essayer de l'attaquer. Et ensuite, il avait cité le hadith donc, qui est rapporté par Imran ibn Hussein dans le musnad de l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu sur le bras de Imran un bracelet métallique fait de cuivre. Et donc, il lui a dit que ce bracelet-là ne profitait en rien, que ce n'était pas le sens du hadith, ce n'est pas un sabab, et qu'il fallait qu'il le retire. On avait lu ça, on a vu que ce hadith, on avait dit que ce hadith-là, parmi les ulémas, il y en a qui disent que c'est un hadith qui est daïf. Qui est daïf pour certains ulémas. Et on était arrivé au deuxième hadith du chapitre, où. Et là encore, le fait que le shir il cite un hadith qui pour lui, Allahu alam, pour lui, il n'est pas daïf, puisqu'il dit qu'il est rapporté par l'imam Ahmed, bi-sanadin, la ba'asabi, avec une chaîne de transmission qui ne pose pas problème, c'est-à-dire qui est maqboul, acceptable, même si ce n'est pas le cas dans la réalité. Déjà, le shir, lui, voit que c'est une hujja, que c'est une preuve qu'on peut citer, et encore une fois, le Shir, il a écrit son livre à l'image des salafs, c'est-à-dire à la même manière que les salafs ont écrit leur livre, comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a écrit l'imam Malik, fil Muwatta, lorsqu'ils ont écrit leur livre, où ils ont fait des chapitres en les constituant de versets du Coran et de hadith, et ils ont commencé toujours par citer, où ils citent en partie dans ces chapitres-là, des choses qui sont authentiques, qui correspondent à leurs conditions, comme l'a fait l'imam al-Bukhari. Et des fois, il cite des choses qui sont moins authentiques et qui ne répondent pas à leurs conditions du sahih, comme l'imam al-Bukhari, où il a fait dans son livre concernant al-Mu'allaqat, le hadith, où qui ramène, les paroles qui ramènent sans chaîne de transmission. Ou dans Sahih Muslim, l'imam Muslim, des fois, il ramène comme riwayat, il commence à citer dans le chapitre les riwayat qui sont sahiha selon ses conditions, puis derrière, il va citer des fois certaines chaînes de transmission dans lesquelles il y a des rapporteurs qui ne répondent pas, qui ne répondent pas aux conditions de sahih de l'imam Muslim. Mais ils les mettent, comme ils disent, comme mutaba'a, ou comme shawahid mutaba'a, c'est-à-dire qu'ils les mettent pour suivre. Pour renforcer, même si le hadith il a pas tout à fait les mêmes conditions que, ou il remplit pas les conditions de l'imam. Tous les salafs, ils ont écrit leurs livres comme ça, en citant d'abord des choses authentiques et ensuite en citant des choses qui le sont moins, mais comme on dit pour al-istishhad ou shawahid, comme ils disent, al-mutaba'a. C'est pas des textes qui sont une base dans le chapitre, mais ça emmène, c'est pour l'istinès aussi, pour renforcer le statut de ce dont il parle dans ce chapitre-là. Encore une fois, il y en a certains qui disent quoi? Que son livre est rempli de hadith daïf, il a écrit pour attaquer la da'wa du shirk. Ce qui vise évidemment, c'est attaquer le tawhid et, comme on le verra, inshallah ta'ala, prétendre que le shirk il a kaffar les muslimines. En se basant sur des textes qui sont pas, soit qui sont pas authentiques, soit en se basant sur des textes qui, lui, il a mal compris. Le hadith qui vient ensuite, il dit: Wallahu an Uqba bin Amir marfou'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Wallahu. C'est-à-dire, rapporté aussi par l'imam Ahmed, rahimahullah. Rapporté par Uqba ibn Amir, radiallahu an marfou'an, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui accroche un talisman autour de son cou ou autre chose, alors qu'Allah ne n'achève pas son souhait. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, celui qui a mis pour expliquer il va expliquer après le sens pour expliquer le sens du hadith, c'est le fait celui qui met un talisman pour essayer de profiter d'un bien ou de repousser un mal. Là ici, on verra comme on le verra, c'est le sens de la dua qu'Allah Jalla wa Ala ne lui donne pas ce pourquoi il a porté ce talisman. C'est une dua sur contre lui. Donc Allah n'achève pas ce qu'il a voulu obtenir par ce sabab-là, par ce sabab interdit. Et ensuite, il dit la même chose, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Et celui qui accroche wada, on verra, c'est quelque chose qu'ils accrochaient sur les enfants, sur les animaux, qui provenaient des fois de la mer, des coquillages ou quoi, et avec lequel ils prétendaient repousser l'aïn, le mauvais œil, etc. Qu'Allah Jalla wa Ala, là, on verra, il y a plusieurs définitions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pareil, n'accomplisse pas ce qu'il a souhaité obtenir, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le laisse pas dans la tranquillité. Donc, ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, et ce hadith-là, il est meilleur. Sa chaîne de transmission, elle est meilleure que le hadith précédent, mais dans ce hadith-là, on ne voit pas clairement que c'est du shirk. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah jalla wa ala contre celui qui fait ça, mais on ne voit pas clairement, c'est pas sarih que c'est du shirk, contrairement à la riwaya qu'il va citer ensuite. Contrairement en fait, c'est un autre hadith rapporté aussi par l'imam Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est encore meilleur, qui a une chaîne de transmission forte. Et où là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit clairement que celui qui s'accroche ou qui s'accroche c'est-à-dire de manière physique, un talisman autour du cou ou ailleurs, et qui accroche son cœur par la croyance, alors celui-là, il a commis du shirk, c'est clair dans le hadith qui suit. On verra après. Dans ce hadith-là, donc il nous dit, Walahu an Uqba ibn Amir. مرفوعا يقول المحشي رحمه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقبة وابن عامر ابن عمرو عبس ابن عمرو ابن عدي الجهني صحابي مشهور فاضل روى كثيرا وعنه جماعة من الصحابة والتابعين أحد من جمع القرآن أحد من جمع القرآن فصيحا عالما شهد الفتوح والصفين ولي إمارة مصر 3 سنين وثلاث سنين ومات قريبا من 60. Donc, Uqba ibn Amr, radiallahu ta'ala an, fils de Amr, fils de Abs, fils de Amr, fils de Adi al-Juhani. Donc, c'est un compagnon célèbre qui a beaucoup de mérite, qui a rapporté beaucoup de hadiths et de qui on a rapporté beaucoup de hadiths parmi les compagnons et les tabi'in. Il fait partie de ceux qui ont mémorisé le Coran. Il fait partie de ceux qui ont mémorisé la totalité du Coran. Et c'est quelqu'un qui a été éloquent. C'était un savant parmi les compagnons. Il faisait partie des savants parmi les compagnons. Et il a participé au Futuhat, donc lorsque les musulmans sont rentrés après, donc dans la khilafa de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et avant, il a participé à ces conquêtes-là et à la bataille de Siffin. Et il a gouverné l'Égypte pendant 3 ans. Il a gouverné de l'Égypte pendant 3 ans. C'était un grand compagnon. Très connus et dont les mérites sont nombreux, que ce soit dans la science ou dans les actes. Et il est mort proche des années 60, après l'Hégire. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la. Il dit: Ay 'allaqaha 'alay wa 'ala ghayrihi min tiflin aw dabbatin. ونحو ذلك متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، فلا أتم الله له ما قصد. دعاء علي بنقيض قصدي، أن الله جل وعلا ليتم له أمره، ودعاءه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحرمه يفيد أنه من المحرمات الشركية. وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر، وكمال التوحيد ليحصل إلا بترك ذلك. وكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره، وذكر التميم منكرة تعميما حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. نعم. Donc c'est-à-dire ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une dua. Il invoque sur celui qui se revêtit lui-même d'un talisman ou qui le fait porter à quelqu'un d'autre ou à un enfant ou à une bête. Et autre. Le muhim, c'est pas ce sur quoi on accroche le talisman et c'est pas non plus le talisman lui-même. Qu'est-ce que c'est ce talisman-là? Un bracelet, un collier, etc. Aujourd'hui, comme on l'avait dit, on a la main de Fatma, on a l'œil, on a un tas de choses. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est al-maqasid. Pourquoi cette personne-là, elle porte cette chose-là? C'est pour ça qu'après, il dit muta'alliqan biha qalbahu fi talabi khayri aw daf' shar. C'est-à-dire en y accrochant son cœur par la croyance dans la demande d'un bien ou pour repousser un mal. فَكَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ مَا قَصَدَ كَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ne lui donne point, n'achève point ce qu'il a voulu, ce qu'il a visé. Donc c'est une invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoque et il demande à Allah de le rétribuer par l'inverse de ce qu'il a voulu faire. Il a voulu chercher un bien ou repousser un mal, qu'Allah il le rétribue par l'inverse de ce qu'il a voulu faire. Et qu'Allah n'accomplisse pas son souhait. Ici, il dit quelque chose, il dit que la doua, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah jalla wa ala contre une personne qui fait ça, ça montre que cet acte-là, le fait de se revêtir d'un talisman en ayant cette croyance-là, c'est quelque chose qui est haram. Après, il dit que, et cette interdiction-là, elle profite que ça fait partie des interdictions qui sont liées au shirk. Ça, clairement, on ne peut pas le sortir de cette riwaya. On ne peut pas le prendre de ce hadith-là. Il n'y a rien dans le hadith qui montre que c'est du shirk. On est obligé de lier à ça. C'est pour ça que le shir, après, il cite un autre hadith. En fait, il dit « fi riwaya », mais c'est un autre hadith en réalité. Ce n'est pas une riwaya du premier hadith. Il dit « wa fi riwayatin », comme on le verra après, « man ta'allaqa », ou les mots qui sont juste dans le musnad de l'imam Ahmed, c'est « man allaqa tamimatan faqad ashrak ». Celui qui s'accroche à un talisman, par la croyance encore une fois, qui accroche un talisman et qui s'y attache par la croyance, il a commis l'association, il a associé. Ça c'est sarih, nas. Et c'est clairement le texte le plus clair et net dans ce chapitre-là. S'il y a un texte à retenir dans ce chapitre-là concernant les talismans, les amulettes et toutes ces choses-là que les gens utilisent comme sabab, pour repousser un mal ou obtenir un bien, c'est ce texte-là qui est facile à retenir en plus. Man ta'allaqa ou man 'allaqa tamimatan faqad ashrak. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et la chaîne de transmission elle est forte de ce hadith. Là, ils peuvent pas, les détracteurs du shaykh, ils peuvent pas rejeter ce texte. Contrairement au texte de Imran ibn Hussein. Et aussi, on verra le texte de Hudhaifa, le dernier hadith. Il y a certains ulama qui disent aussi qu'il est daif. Par contre, ce texte-là, et c'est le plus simple du chapitre, et c'est le plus clair, le plus sarih, il est authentique et il est clair. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui porte un talisman en ayant cette croyance-là, en le prenant comme sabab pour ceci, il a commis une association. Même si c'est une association mineur, ça montre que ça rentre dans le shirk. Donc là, quand il dit, on tire du hadith, de la doua du prophète sallam, que c'est une interdiction et que c'est une shirkiya, que c'est lié au shirk, on ne peut pas le tirer de ce hadith-là. Et on doit utiliser le hadith qui cite après. Par contre, le fait qu'il est invoqué, ça montre que c'est haram. Et donc, il dit que c'est du shirk. Pourquoi la raison? La raison, c'est que le cœur de celui qui le porte, le cœur de celui qui le porte, il est attaché à un autre qu'Allah pour obtenir un bien ou repousser un mal. Et le tawhid complet, le tawhid, on va dire plutôt obligatoire, donc on ne parle pas de asl et tawhid, on parle du tawhid obligatoire, donc le degré qu'il y a au-dessus, qui est contredit par quoi? Par al-ma'asi, par les péchés et par le petit shirk. On sait que le tawhid, asl et tawhid, qu'est-ce qui le contredit, qu'est-ce qui l'annule? Shirk al-akbar. Mais ici, on est en train de parler du tawhid wajib, obligatoire, de l'iman al-wajib. Al-iman, ou kamal al-iman, al-wajib, la foi obligatoire, qui est contredit, qui est par quoi? Par les péchés et le petit shirk. C'est le cas ici. Et donc, pour accomplir le tawhid, l'iman, le wajib, il faut délaisser le ma'asi, il faut délaisser les péchés, les grands péchés, et qui plus est, le shirk asghar. Elles utilisaient donc ces talismans. Ouais, il visait par ces talismans le fait donc qu'Allah Jalla wa Ala, il achève, il complète et il réalise ce que cette personne-là elle cherchait par ce talisman. Et c'est pour ça que ça a été appelé d'ailleurs Tamima. Tamima, on voit que dedans il y a quoi? Itmam. Itmam ou Tam. C'est pour ça qu'ils disent Fala atamma, on voit Tamima. Itmam. Itmam quoi? Itmam le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il recherche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne ce qu'il a voulu, comme ce qu'il a eu l'intention d'avoir comme bien ou comme le fait de repousser un mal, en portant ce talisman, il veut qu'Allah Jalla wa Ala, il lui donne de manière complète ce qu'il a voulu faire. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Tamim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il est indéfini. Et on a déjà vu à plusieurs reprises, et ça c'est des choses qui sont vraiment importantes, à un moment de comprendre et de mettre en application dans la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, c'est quand on est un mot indéfini qui vient dans un contexte de condition. Puisque la prophétie nous dit man ta'allaqa tamimatan, man ici on dit ismu shart, c'est une condition, man, celui qui fait ça, celui qui fait quoi, qui s'attache à un talisman, ou qui s'attache à lui-même un talisman, qui attache son cœur par la croyance, tamimatan, il est nakira, indéfini dans une phrase qui est une phrase de condition. Et ça, on sait que ça profite quoi, on comprend quoi de ça, la globalité, l'umum. C'est-à-dire n'importe quel talisman, que ça soit un fil, que ça soit des coquillages, que ça soit un œil, que ça soit une même fatma, que ça soit que un talisman fait en telle matière, avec telle chose, il a khiri. Le maqsoud, c'est pas de quoi il est fait, comment il est fait, c'est la croyance qui est attachée à cette chose-là. C'est ça qui nous intéresse. Pour ça, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité at-tamima munakkara, il l'a cité indéfini. Et ça profite, on comprend de ça, l'umum. Ce qui nous intéresse, c'est cette chose-là, cet objet-là, qui mène par la croyance en lui, qui mène au shirk. Et comme on dit, l'ibra bil haqa'iq. L'ibra bil haqa'iq ou bil maqasid. Ce qui nous intéresse, ou ce qu'on prend en considération, c'est la réalité des choses et ce que la personne a voulu faire. Que ce soit avec telle ou telle chose, peu importe. Parce que ces talismans, Allahu alam, que les Arabes portaient à leur époque, on ne les trouve plus à notre époque. À l'époque, on en trouve d'autres. Est-ce que ces autres talismans qu'on trouve à notre époque ont un hukm différent parce qu'ils n'ont pas la même forme ou parce qu'ils sont fabriqués à partir de choses différentes? Non. Pourquoi? Parce qu'El Maqsoud, ce qui est recherché en les portant, c'est exactement la même chose. C'est de prendre ces choses-là comme sebeb pour obtenir un bien ou repousser un mal, alors que ces choses-là, on n'a rien qui nous prouve que c'est des sebeb, et donc c'est des esbeb, des causes qui sont muharrama, interdites. Cette idée, وقال المنذري التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا الجهل والضلال إذ لا مانع ولا دافع غير الله وفي النهاية التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبتله الإسلام. الإمام المنذري رحمه الله تعالى. الإمام المنذري c'est l'imam qui a écrit en gros, on connaît الترغيب والترهيب, ou qui a écrit le مختصر de صحيح مسلم, ou qui a écrit le Mukhtasar de Sunan Abi Daoud, parmi les savants du hadith du Allahu Alam du 7e siècle. Le Mundhiri dit, At-Tamima, c'est quoi? Il dit, c'est Gharza, des coquillages, ça c'est des choses qui sortent de la mer, des pierres ou qu'ils accrochaient. Et ils pensaient que ces choses-là repoussaient d'eux-mêmes le mal. Et ceci est une ignorance, est un égarement, puisque personne ne peut interdire un mal de toucher qui que ce soit et personne ne peut repousser un mal en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il les prenait comme sebeb. Tu ne trouves pas parmi les mouchriquins, parmi les Arabes, quelqu'un qui croyait que le talisman, il a vraiment un pouvoir en lui-même. De par lui-même, comme ils disent, de par lui-même, il va repousser un mal ou amener un bien. Parce que là, c'est du shirk, clairement, comme on l'a vu au début du chapitre, shirk akbar. Le fait de croire qu'un autre qu'Allah Jalla wa Ala crée. Il va créer le khayr, il va créer la guérison, il va créer, etc. Bon, c'est clair. Et dans Al-Nihaya, Ibn al-Athir, rahimahullah, il dit quoi? Al-Tama'im, ça vient de, c'est le pluriel de Tamima. Tama'im, pluriel de Tamima. Et encore une fois, c'est des pierres, des coquillages, des choses qui sortaient de la mer souvent, que les Arabes accrochaient à leurs enfants, autour de leur cou ou leurs vêtements, et par lesquels ils se protégeaient, selon leurs prétentions, du mauvais œil. Et évidemment, l'islam a rendu vain toutes ces pratiques qui dataient de l'Jahiliya et qui contredisaient le tawhid, du moins le tawhid, tawhid al-wajib. Tawhid al-wajib, puisque c'est du shirk akbar. Juste un instant. طيب. إديو التمائم أعم من ذلك فتكون من عظم ومن خرز ومن كتابة ومن غير ذلك. لا nous fait une petite parenthèse en nous disant ce qu'on a dit avant. C'est quoi? C'est que les talismans, c'est pas simplement, ils n'ont pas simplement la forme que les Arabes ont utilisée à leur époque, mais ils peuvent être faits de plusieurs choses. D'os, ici, il cite des os, il cite des bouts de papier sur lesquels on a écrit quelque chose, et ou de pierres, de coquillages, etc. Et encore une fois, le maqsoud, c'est la croyance de celui qui accroche qui accroche ceci à son cou, à son bras, et surtout son attachement par le cœur, par la croyance. Parce que quoi? Parce que aussi on avait dit que Si on reprend le hadith d'Imran ibn Husayn, radiallahu an, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, il l'a réprimandé. Il a dit, qu'est-ce que tu as autour du bras? Et pourquoi? Parce que les ulémas, ils expliquent que c'était connu qu'à leur époque, les Arabes de l'Jahiliya, ils faisaient ça. Quand tu voyais avec un Arabe, parmi les Arabes de l'Jahiliya, avoir un pendentif comme ça, un talisman ou un bracelet, c'est qu'ils recherchaient ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout de suite su ce qu'il voulait faire avec ça. Et quand on lui a dit, il a tout de suite su que c'était pour... Et c'était ce qui était voulu dans sa question, c'est une question pour réprimander. C'est comme quand tu dis à ton enfant qui a fait une bêtise, qu'est-ce que tu as fait là? Tu lui poses pas la question, tu demandes pas qu'il explique ce qu'il a fait. C'est pour le réprimander. Là, c'est la même chose. Par contre, quand on voit quelqu'un qui porte aujourd'hui un collier ou une gourmette ou je sais pas quoi, on va pas lui sauter dessus pour lui arracher. Et parce que souvent, les gens, ils portent ça pour, comme ça, pour décorer, pour, comme des bijoux, comme des, c'est pas lié à des croyances. Et c'est pour ça que, les ulama, ils disent qu'il faut, comme il l'avait dit, dans le hadith d'Imran ibn Husayn, je sais pas si on l'avait lu, mais, aussi il le dit à la fin. Mais il faut prendre en compte, il faut prendre en compte ce qu'on a El Maqa, c'est-à-dire ce qui est visé. La personne qui porte ça, qu'est-ce qu'elle a visé par là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une croyance là-dedans ou pas? Ça, il faut savoir avant d'interdire le mal et d'ordonner le bien, interdire le mal. Encore une fois, si on se rappelle quelque chose qui est très important dans l'Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, les règles qu'on avait vues concernant l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, il faut être sûr que c'est avant d'interdire ce mal-là. Que ça soit avec la main, la parole ou avec le cœur, il faut être sûr que cette chose-là, c'est un mal. On n'interdit pas un mal qui n'est pas un mal en soi. Donc ça commence par l'ilm. Et quand il y a quelque chose qui est ambigu, la personne par exemple, elle porte une chaînette ou je sais pas, un truc, un bracelet ou quoi, si c'est ambigu, peut-être qu'il a une certaine croyance là-dedans, peut-être pas, on peut pas comme ça d'emblée lui sauter dessus et lui arracher. Ensuite, la deuxième partie du hadith, qui est une dua aussi, il dit « وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ » Et celui qui porte « وَدَعَ » On va voir que de la même manière, c'est quelque chose, Allahu alam, c'était quelque chose qui sortait aussi de la mer, qui était de couleur blanche, etc. C'est quelque chose qui sort de la mer. Je pense à Allahu alam, un genre de coquillage ou une pierre. Le mohim. Donc il dit bifat hasukun wa tufattah ou tuftah. Donc on dit wada'atan ou wada'a. Wala wada'a bitakhfif ad-dal. Ça j'ai parlé. Wala wada'a bitakhfif ad-dal. Wada'a. أي لا ترك له ما يحب أو لا جعله في دع وسكون بل حرك عليه كل مؤذين وهذا دعا عليه أيضا معاملة له بالناقيد قصدي وكانوا يتلمحون من اسمها الدع والسكون قال في النهاية الودع شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم وقيل يشبه الصدفة والصدفة يتقون به العين وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك يفيد أنه محرم وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بيّنت أنه من المحرمات الشركية ومع كونها شركا فقد دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيد مقصوده ورواه أبو يعلى والحاكم وقال الصحيح الإسناد وأقره الإمام الذهبي Donc ici, La deuxième partie du hadith où il dit celui qui s'attache ou qui attache wada'a. On va voir, c'est un genre de coquillage blanc qui sort de la mer. Qu'Allah ne le laisse point en paix. Donc on dit wada'a ou wada'a. Bifath. Fasukun wa tuftah. Bifath wa sukun. Wada'a ou la wada'a. Et voilà, falawada'a bitakhfif ad-dal, wada'a pas wada'a, wada'a. C'est-à-dire que qu'Allah ne lui laisse point ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il ne lui donne pas ce qu'il désire par là. Ou qu'il ne laisse pas en paix. Mais plutôt qu'il le dérange par tout ce qu'il peut le déranger. Donc c'est une dua contre lui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoque Allah jalla wa ala pour qu'il le rétribue encore une fois par l'inverse de ce qu'il a cherché. Par l'inverse de ce qu'il a cherché. Et encore, ils utilisaient aussi ces mots-là. On le voit comme on a vu et-tamima. Ils appelaient et-tamima parce que dans le mot, on a dit qu'est-ce qu'il y a? Tamam, itmam. Ils croient qu'en portant ça, ils l'appellent tamima. Ça y est, Allah Jalla wa Ala, il va lui donner la plénitude de ce qu'il a voulu y chercher par cette chose-là. La même manière ici, wada'a, ça s'appelle wada'a parce qu'il cherchait par là quoi? Ad-da'a. Ad-da'a wa sukun. La tranquillité et le fait de repousser tout mal, qu'il soit touché par aucun mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre lui, au contraire, pour que tout ce qui peut porter à atteindre du mal le touche par son mal et ne le laisse pas en paix, ne le laisse pas tranquille. عياذ بالله في النهاية ابن الأثير toujours il dit le wada'a c'était une chose blanche qu'on sortait de la mer et qui était attaquée et qui était pardon attachée au cou des enfants et autres et on dit que ça ressemblait au coquillage et il l'utilisait pour se protéger soi-disant du mauvais œil, encore une fois. Donc, encore une fois, on voit que ce soit la kharza, le wada'a, le tamima, ce qui nous intéresse, c'est le maqsoud. Qu'est-ce que cette personne-là, elle a voulu faire avec cette chose-là? Qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas légiféré comme étant un sabab, comme on peut encore trouver aujourd'hui, on le répète, la main de Fatma, ou l'œil, etc. Et il dit, là-dedans, il y a évidemment une menace, une menace forte pour celui qui fait ce genre de choses. Et cette menace-là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il menace et il l'invoque contre cette personne-là, ça montre clairement que ce qu'il fait, cet acte-là, c'est haram. Et là, ici, il le dit maintenant. Ici, il le dit que si on rajoute avec ça et qu'on rassemble l'autre hadith qu'il a cité après, il appelle ça riwaya, mais ce n'est pas une riwaya parce que c'est un hadith différent dans la réalité des choses. Si on rajoute ce hadith-là, on voit que non seulement ça rentre dans le haram, mais c'est dans les muharramat et shirkiya. C'est du shirk, de comme on va le voir dans la riwaya qui suit. Et encore une fois, cette riwaya-là, s'il y a un hadith à apprendre par cœur et à retenir dans ce chapitre-là, c'est celui-là. Quelqu'un vient et te dit, ouais, il porte un talisman, et il croit qu'il prétend que ça repousse le mal. Toi, tu viens et tu dis shirk asghar. Kaif. C'est quoi ton dalil? Man ta'allaqa shay'an, man allaqa shay'an, man allaqa tamimatan faqad ashrak. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est bon. Chaîne de transmission forte. Khlas. Un dalil, ça suffit. D'autant plus que les autres, comme on a dit, il y a certains ulama qui voient que c'est des hadiths qui sont faibles. Non. Et donc, avec le fait que ça soit à la base du shirk en soi, donc la gravité du shirk, en plus le professeur sallam, donc c'est-à-dire que la personne, elle va être punie. Punie pour commettre le shirk. Même si c'est du shirk asghar, c'est plus grand, on a dit, que les grands péchés. Malgré déjà la punition que représente la punition du shirk pour avoir commis ça, pour avoir pris ça comme sabab, le professeur sallam, en plus, il invoque contre lui. en demandant à Allah qu'il le rétribue par l'inverse de ce qu'il a voulu obtenir. Et ça a été rapporté par Abu Ya'la al-Hakim. Al-Hakim dit que l'isnad il est sahih et il y a l'approbation de l'imam. On a l'approbation de l'imam al-Zahabi. Rahimahullah ta'ala. Juste un instant. Le hadith suivant. Hadith suivant. Qui est. Allahu alam, il est rapporté aussi par Uqba ibn Amir. Mais c'est un autre hadith. C'est un autre hadith. Si on regarde le hadith, si on va chercher le hadith dans le musnad de l'imam Ahmed, on va se rendre compte que c'est un autre hadith en fait. C'est pas la même, c'est pas la même, le même contexte. Donc dans ce hadith là, rapporté par l'imam Ahmed aussi, hadith de Uqba. من تعلق تميمة فقد أشرك. Si on regarde dans le musnad, moi j'ai trouvé dans le musnad من علق, pas تعلق, mais le sens il est le même. Pourquoi? Parce que علق c'est même plus général. Parce que علق يعني علق على نفسه وعلق على غيره. L'a accroché sur lui-même ou sur quelqu'un d'autre. Donc c'est plus global que تعلق. تعلق il l'a mis sur lui-même. Allahu alam. Donc celui qui porte et qui s'accroche donc par la croyance, qui s'attache par la croyance à un talisman, il a associé. Faqad ashrak, il a associé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nos. Nos, yani, un nos, c'est-à-dire un texte qui ne porte aucune, qui est clair, muhkam. Pas, qui ne porte aucune équivoque, aucune interprétation possible. Et donc encore une fois, si on doit retenir un texte dans ce chapitre-là, c'est celui-là. Il dit وذلك, donc المحشي قال شيخ ابن قاسم رحمه الله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه. On voit que l'histoire elle est différente. On voit que l'histoire elle est différente. Ici, il cite l'histoire dans le hashia, dans le sharh, il cite l'histoire. On voit que c'est un autre hadith, c'est une autre histoire. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علي رهط فبيع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بيعت تسعة وأمسكت عن هذا فقال إن علي تميمة فادخل يده فقطعه فبايعه وقال من علق تميمة من علق تميمة فقد أشرك ورواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر ورواه الحاكم بالنحوي ورواته الثقات وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا لأنه أراد رفع القدر المكتوب والطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضر والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما وإنما كان شركا من جهات تعلق القلب على غير الله تعالى في جلب الدفع أو دفع ضر فكان شركا من هذه الحيثية قال الشيخ من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة الخالق إلا الله فليستقل سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكون فإذا تحقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه. Donc, l'histoire du hadith, c'est quoi? Donc, dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui porte un talisman, qui porte un talisman et qui s'y accroche par la croyance, qui s'y attache par la croyance, il a associé. L'histoire de ce hadith-là, c'est qu'il y a une délégation, un groupe de gens qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient 10 apparemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la bay'a à 9. Et un, il l'a pas voulu. Il s'est écarté. Et ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, tu as fait allégeance. Ou plutôt, tu as accepté l'allégeance de 9. Et tu t'es retenu de l'affaire à celui-là. Tu t'es écarté de celui-ci. Donc, un seul qui restait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il porte un talisman. Il avait un talisman sur lui. Et là, il a rentré sa main et il a coupé le talisman et il lui a fait la bay'a. Alors, est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rentré sa main et qui lui a enlevé ou est-ce que c'est lui-même qui l'a fait? Allahu alam, c'est muhtamal dans le hadith. En tous les cas, on retrouve le fait de d'ordonner le mal et de d'ordonner pardon le bien et d'interdire le mal par la main, bilyed. En arrachant ce talisman-là, billet. Comme on va le voir dans le hadith de Huzaïfa après, inshallah. Et là, le prophète sallam, il a dit, il lui a fait la bay'a après l'avoir enlevé, et il a dit, celui qui porte un talisman, il a d'ores et déjà commis l'association. Faqad ashrak. Rapporté par l'imam Ahmed, c'est un hadith pareil de Uqba, rapporté par le Hakim et les rapporteurs de la chaîne, c'est des gens sûrs. C'est un hadith dont la chaîne de transmission elle est forte. Donc, encore une fois, s'il y a un texte à retenir dans ce chapitre-là, c'est celui-là. En plus, il est court et il est simple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait du shirk de cet acte-là. Pourquoi? Il dit parce que cette personne-là, il a voulu quelque part repousser le maktoub, il a voulu repousser le qadr, la prédestination, quelque chose qui était déjà décidé, il a voulu la changer, mais il a voulu la changer surtout avec quelque chose qui n'est pas légiféré. C'est quoi le sens? C'est que lorsqu'on emprunte un sebeb, qu'on s'attache, qu'on utilise un sebeb pour obtenir quelque chose, ce sebeb-là, s'il est permis, on ne dit pas que c'est un mal en lui-même d'avoir essayé de changer le qadar. C'est ulama, globalement, Ibn al-Qayyim, il parle beaucoup de ça. Il dit que la doua, c'est un vrai effet sur le qadar. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle invoque Allah Jalla wa'ala, l'invocation qui est quoi? Qui est évidemment un sebeb légiféré, mais même un sebeb qui est ordonné par Allah Jalla wa'ala, mustahab dans le moindre des cas. C'est une dua. Donc c'est un sebeb qui est permis. Par ce sebeb-là, j'invoque Allah Jalla wa'ala qui va repousser de moi un mal qui peut-être était écrit à la base, mais par cette dua-là, Allah Jalla wa'ala, il le repousse. Évidemment, le fait qu'il repousse ce mal par cette doua-là, c'est aussi quelque chose qui était maktoub, qui était écrit, évidemment. Mais là, c'est surtout de vouloir repousser un mal avec quelque chose qui n'est pas légiféré. Quelque chose qui n'est pas un sebeb. Et c'est le fait d'accrocher son cœur à un autre qu'Allah par la croyance. Le fait d'accrocher son cœur ou de s'attacher par la croyance à un autre qu'Allah Jalla wa'ala pour obtenir un bien ou repousser un mal. Ici, il cite une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il dit, celui qui attache son cœur à une créature, alors il a attaché son cœur à quelque chose qui est incapable. Et il dit, fait partie du shirk qu'Allah ne pardonne pas. Là, clairement, le shirk, il parle du shirk akbar. Comme on va le voir dans la suite de sa parole, il parle du shirk Akbar, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il s'accroche, il s'attache à une créature, mais qui s'y attache par la croyance dans le fait de croire que lui part de manière bilistiqlal, c'est-à-dire de manière autonome, tout seul, il est capable de repousser un mal ou d'emmener un bien sans l'intervention d'Allah Jalla, donc qu'il ne qu'il, par yani, par le par le, ça représente pas un sabab. Ça c'est du shirk akbar et c'est le sens de la parole du shirk ici, puisqu'il dit et fait partie du shirk qu'Allah ne pardonne pas en dehors de la tauba. Donc là on voit qu'il parle du akbar. Il dit ceci, c'est que le serviteur il espère satisfaire son besoin ou obtenir la résolution de son besoin par un autre que son Seigneur. Et le fait de diriger son cœur et d'attacher son cœur à une créature. Et là, il dit, فَلَا يَسْتَقِلُّ سِوَا بِإِحْدَاثِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ. Il n'y a personne qui peut profiter, emmener un bien ou repousser un mal, c'est-à-dire de manière autonome, seule, en dehors d'Allah Jalla. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on cherche comme du reste, en faisant des doigts, en demandant à quelqu'un de nous aider, en utilisant, tout ça, c'est des sebeb. C'est des sebeb par lesquels on va obtenir le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Baris, ton micro, ça résonne. Coupe ton micro. S'il te plaît, merci. Donc ça, c'est clairement le shirk akbar, c'est ça. C'est le fait d'avoir une croyance dans une chose et que cette chose-là, elle possède en elle-même le pouvoir de faire du bien ou de repousser un mal. C'est l'istiqlal. Ça, c'est du kufr akbar. Mais eux, ils prenaient ça encore une fois comme sebeb. Donc s'ils disent qu'Allah il veut se produit, ce qu'Allah ne veut pas, se produit pas. Il dit, فَإِذَا تَحَقَّقَ الْعَبْدُ ذَلِكَ كَانَ سَبَبًا لِأَنْ يَنَالَ مَطْلُوبًا. Donc si quelqu'un, il pense qu'Allah Jalla c'est le seul à procurer un bien ou à repousser un mal, alors il se peut qu'il réussisse à obtenir ce qu'il veut. Mais encore une fois, en utilisant des sabab qui sont permis. En utilisant des sabab qui sont permis. Et en croyant que ces choses-là sont des sabab. Sans se reposer sur le sabab. On a vu que fait partie du shirk, la personne elle fait un sabab qui est permis, elle fait une cause permis, mais elle va se reposer sur le sabab et elle va oublier Allah Azzawajal. Il sait que c'est Allah, il ne croit pas que c'est un autre qu'Allah, il ne croit pas que c'est le sabab qui va lui donner du bien. Il sait que c'est Allah, mais il oublie Allah. Il oublie Allah Azzawajal. Et il se repose, dans sa tête il a fait le sabab, là c'est bon, il va avoir le musabab. Il va avoir la conséquence causée par la cause qu'il a faite. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut très bien couper ce sebeb-là et ne pas créer la conséquence qui est habituellement créée par le fait de faire la cause. Donc ça, c'est le sujet des sebeb et el musabbeb. Sebeb ou el musabbeb, la cause, la conséquence créée par le sebeb. Donc le serviteur, il fait le sebeb, Allah Jalla wa Ala, il crée le musabbeb ou il ne crée pas le musabbeb. Même dans des choses qui sont des fois folles. Quelqu'un il se jette d'un immeuble, donc ça à l'habitude c'est ce qu'on appelle sabab qawi, c'est un sabab fort pour se donner la mort, pour qu'Allah il te fasse mourir. C'est Allah qui te fait mourir, c'est pas toi, c'est pas ton sabab. Mais tu trouves que des fois un gars il fait un truc de fou, il se met une balle dans la tête ou il se jette d'un immeuble et au final le gars il est pas mort. Il a fait un sabab qawi qui d'habitude par ce sabab-là Allah subhanahu wa ta'ala il crée le musabab, il crée la mort, il fait mourir la personne. Mais des fois, non. Allah, il décide de pas créer El Musabbab. Donc ça, c'est concernant ce hadith-là. On va rapidement, j'aimerais qu'on termine le bab, le chapitre, si ça va pour vous, Inch'Allah. Qu'on termine le chapitre. Donc, le hadith suivant. Wal ibn Abi Hatim an Hudhayfa. Donc oui, pour revenir à l'histoire des sebeb, on a deux choses qui rentrent dans le shirk et l'asghar. Le fait de prendre un sebeb qui n'est pas un sebeb légiféré, ou le fait de prendre un sebeb qui est légiféré, mais de se reposer sur le sebeb, et pas sur Allah Azzawajal. Ensuite, il dit Walid ibn Abi Hatim, an Huzayfa, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu. وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Donc, hadith rapporté par l'imam Ibn Abi Hatim. Hadith de Uzayf ibn al-Yaman radiallahu anhu, qui a dit qu'il a vu un homme qui portait un bracelet contre l'humma. On verra que l'humma, Allahu alam, ici, c'est tout ce qui est aussi piqûre. Piqûre de bête venimeuse. Il l'a coupé, l'a arraché. Il a récité la parole d'Allah Jalla wa'ala, et la majorité d'entre eux ne croient qu'en donnant des, en Allah, ne croient Allah qu'en lui donnant des associés. Dans Surat Yusuf. Ama yu'minu aktharahum billah illa wa hum mushrikun. Qu'est-ce qu'il nous dit? Al-Muhashshi nous parle de Huzayf ibn al-Yaman et dit رضي الله عن ابن اليمن عسل يبا ابن سفو عسل حسل حسل ويقال حسين ابن جابر ابن ربيعة العبسي حليف الأنصار صحابي الجليل ابن الصحابي من السابقين أصاب أبوه دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمن لكونه حلف اليمنية وراد شهود بدر وأراد شهود بدر فصده المشركون فأراد شهود بدر فصده المشركون وشهد أحدا فاستشهد أبوه بها لما هزم المسلمون وصح الشيطان أخراكم فرجعت أولهم فاجتدلت هي وأخراهم فإذا هو بأبي فقال أي عباد الله أبي أبي فما احتجزوا عنه حتى قتلوا فقال حذيفة غفر الله لكم صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم أنه أخبره بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة واستعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى توفي سنة 36 ابن أبي حاتم وأبو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن المنذر الرازي الحنظري التميمي الإمام الحافظ الثبت صاحب الجرح والتعديل والعلل والتفسير وغيرها روى عن أبي سعيد الأشج ويونس ابن عبد الأعلى وطبقتهما مات سنة 27 و 327 و 327 و 27 و 20 Mola rapidement, il nous dit qui c'est Huzaifa ibn al-Yaman, donc fils Ibn al-Yaman Hasl, fils de Hasl ou Husayl ibn Jabr ibn Rabi' al-Absi, ila akhiri. Moi, il nous raconte l'histoire dont son père, c'était un sahabi aussi, deux grands compagnons. Et son père, il est mort à la bataille de Uhud. Et Hudhaifa, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui confiait certains secrets. Qu'il ne le confiait pas à d'autres. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Sir Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Huzayf ibn al-Yaman, il était au courant de l'identité de certains munafiqin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait révélé, c'est-à-dire par leur nom, de manière précise par leur nom. Et c'est pour ça que certains salafs, Allahu alam, comme Omar ibn al-Khattab et d'autres, quand il y a quelqu'un qui mourait parmi eux, C'est-à-dire parmi quelqu'un qui était soupçonné d'être parmi les munafiqin, il regardait toujours si Hudhayfa priait sur lui. S'il priait sur lui, il priait. S'il priait pas, il s'écartait. Il priait pas sur lui. Donc il a participé, il a été empêché de participer à la bataille de Badr. Son père, ça c'est son père. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, il a utilisé sous sa khilafa, il est mort en 32. Et ensuite, il nous dit qui c'est Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, Moussa, savant du hadith, le fils d'Abu Hatim, Razi. Abu Hatim Razi, grand savant du hadith, à l'époque de l'imam al-Bukhari et l'imam Ahmed. Et juste pour l'anecdote, j'ai vu une vidéo il y a 2 jours où Rabi' al-Madkhali, il dit qu'il a mieux compris les règles du hadith que le Bukhari et de Abu Hatim, que son père à lui-là. Là, c'est Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, c'est le fils de Abu Hatim. Ibn Abi Hatim, comme il le dit, il a écrit dans le tafsir, dans le hadith, dans le jarh wa ta'dil, donc c'est-à-dire l'ilm al-rijal. Et son père, c'était Abu Hatim. Abu Hatim, il était considéré comme quelqu'un de dur dans le jarh wa ta'dil. C'est-à-dire il avait des conditions difficiles pour accepter quelqu'un comme rapporteur thiqa, digne de confiance. Et c'est la grande époque de l'imam al-Bukhari, les grands, les Jibel, l'A'imma. Et j'ai entendu Allah Musta'an Yashir, il répond sur al-Madkhali, il cite sa parole en disant al-Madkhali, il dit que si l'imam al-Bukhari et Abu Hatim al-Razi, donc le père de ce savant-là, ils avaient vraiment compris les règles du hadith, alors ils auraient pu, le sens de sa parole, ils auraient pu atteindre ce que moi j'ai atteint, yani de. Il dit une parole comme ça, subhanallah. Allah Musta'an. Non, on va continuer. Donc, Hudhayfa, radiyallahu anhu, il a vu un homme qui portait à sa main un khayt, un genre de bracelet, fait en je ne sais quoi. Min al-humma faqata'ahu. Ici, il nous dit, ay. عن الحمى وكان الجهال يعلقون الخيوط والتمائم يزعم أحدهم أنها لتصيبه الحمى إذا لبث ذلك أو ليتضر ولفظه دخل حذيفة على مريض فرأى في عدوده سيرا فقطعه وانتزع وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عدوده فإذا فيه خيط فقال ما هذا قال شيء رقي لي في فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك وفيه وجوب إزالة المنكر مع القدرة على ذلك وإن كان يعتقد أنه سبب فإنه ليجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله ما عدا من يعتمد عليه وأن تعلق الخيوط والحروس والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل ولم يأذن فيه صاحبه بل يفيد الشرعية المثابرة في قطع المنكرات والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالة لأحد لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذا حكم ما يوجد من المنكرات هذا حكم ما يوجد من المنكرات وهمها الأمور الشركية نعم دونك يدي عن الحمى من الحمى يعني عن الحمى صديق كلمة ça pour pas être piqué par les bestioles venimeuses, les scorpions, je ne sais quoi, il portait ça. Il dit que c'est les ignorants de l'époque avant l'islam, et même après, puisqu'il est resté des traces encore hein, Même chez, comme si le hadith est le sahih, on a vu chez Imran ibn Hussein, qui est un grand compagnon, ils avaient encore certaines choses qui étaient restées de l'Jahiliya. Et donc, ils portaient ces bracelets-là, ces talismans-là, et ils prétendaient que ces choses-là étaient un sabab pour repousser le mal de ici des choses venimeuses. Et dans un autre riwaya du hadith, avec d'autres mots, Hudhayfa, il est rentré visiter un malade. Et il a vu à son bras un bracelet, il l'a arraché. Il l'a coupé, il l'a arraché. Et Waqi'a, il rapporte de Hudhayfa qu'il est rentré donc pour visiter un malade. Il a touché son bras, son avant-bras, et il a vu, de la même manière, il a vu ce genre de bracelet. Il a demandé ce que c'était et on lui a répondu que c'était quelque chose sur laquelle on avait fait une ruqya. Et de la même manière, il l'a arraché. Il a dit, si tu étais mort avec ça, je n'aurais pas prié sur toi. Et on voit là-dedans l'obligation d'interdire le mal et de le faire disparaître même avec force, puisqu'il l'a arraché. Il a pris le bracelet, il lui a arraché de la main. Même s'il croit que ce n'est qu'un sebeb. Même s'il croit que ce n'est qu'un sebeb, pourquoi? Parce que ça fait partie du shirk. À partir du moment où ce n'est pas un sebeb légiféré, on a dit qu'il n'est pas permis d'utiliser une chose comme sebeb si ce n'est pas quelque chose qu'Allah Jalla il a permis. Il a permis quoi? Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran ou le Prophète sallam dans la Sunna ou ce qu'on connaît par l'expérimentation, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc il est permis d'utiliser le sebeb. Où on peut utiliser le sabab qui est permis et en se reposant encore une fois pour obtenir ce qu'on cherche, la guérison ou repousser un mal ou quoi que ce soit, s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qui est vrai pour tout, pour les médicaments. On prend le médicament comme sabab et on attend la guérison du Créateur. Pas del makhlouq, pas du médicament. Mais il se peut des fois. Donc, comme une sorte de shirk asrar, la personne, elle prend le médicament et elle sait que ce n'est pas le médicament qui va le guérir. Elle sait que c'est Allah, mais il oublie Allah. Il oublie Allah et il se repose sur le médicament. Dans sa tête, il a pris le médicament, khlas, il va guérir. Mais si tu lui poses la question, qui va te guérir? Il va te dire c'est Allah. Il ne va pas te dire c'est le médicament. Mais au moment où lui, il le fait, khlas, il a oublié Allah azawajal et il se repose sur le fait qu'il ait pris le médicament. Il a pris le médicament, ça y est, khlas, son mal de tête, il va passer. Ça, c'est des choses de la vie, de notre vie, de tous les jours. Et ça touche tout musulman. Ça touche tout musulman. Chacun d'entre nous, t'as mal à la tête, hein, je prends paracétamol, ça va aller mieux. Et ça va aller mieux si Allah il veut. Et donc, le fait de porter des bracelets, des talismans, toutes ces choses-là, c'est évidemment en croyant que c'est un sebeb, c'est une sorte de shirk qu'il faut réprimander et qu'il faut éliminer par la parole et même par l'acte. Et même si celui qui le commet, il n'est pas d'accord avec toi. Là, on avait vu aussi. Bon, on avait vu des conditions, ça rentre dans les règles de l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Si le fait d'enlever ce mal-là, derrière il y a un mal plus grand, ou par exemple tu risques pour ta sécurité d'être frappé, ou tu risques que la personne, tu lui arraches, elle s'énerve, elle va commettre quelque chose encore de plus grave, donc là, à ce moment-là, il faut délaisser. Ça revient aux règles qu'on avait vues dans le wasitiyah. À revoir. Et il dit, mais ça montre, ça profite que le fait qu'il ait légiféré d'être constant sur le fait de retirer ou d'annuler tout ce qui est blâmable. Et le fait de s'empresser de le faire. Sans être gêné, yani, de ce que les gens ils vont dire, sans craigner l'homme tel. ça revient au hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui voit quelque chose qui est blâmable, celui qui voit d'entre vous quelque chose qui est blâmable, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, et il n'y a derrière, et ceci est le plus bas degré de la foi, c'est-à-dire le fait de réprimander le blâmable, de rejeter le blâmable par le cœur, c'est le plus bas degré de iman. Quelqu'un qui voit un péché, quelqu'un commettre un péché, comme boire de l'alcool, qui n'est pas capable de l'empêcher par la main, ni par la parole, parce qu'il craint par exemple pour sa sécurité, il faut au moins que dans son cœur, il rejette ce blâmable, il réprimande ce blâmable par le cœur. S'il est satisfait par son cœur, il est pécheur. De la même manière pour le shirkiyat. Donc ça c'est général. Comme il le dit, le hadith il est général pour tout ce qui est munkar, tout ce qui est blâmable. Et le plus important de ce qui rentre dans ce qui est blâmable, c'est l'umur shirkiya, shirk. Ici, une petite faïda de ce qu'on avait vu aussi dans le wasitiya, c'est que le fait d'interdire le mal par la main, en agissant, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au gouverneur ou à la police ou quoi. On voit dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse au compagnon, si l'un d'entre vous voit un blâmable, qu'il le change par sa main. Donc ça, c'est global. Contrairement à la compréhension de certains. Et donc ensuite, Hudhayfa, il a cité le verset de Surat Yusuf. Oh, Allah Azza wa Jal, il dit, et la plupart d'entre eux ne croient qu'en Allah qu'en lui donnant des associés. Ici, il dit, Qala ibn Abbas, tas'aluhum man khalaqahum fayaqulun Allah, wa hum ma'a dhalika ya'buduna ghayra. وفيه استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية للنوعين ودخوله في مسمى الشرك والدليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول الباب وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. Donc, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu an, il a cité, donc, quand il a arraché donc, ce talisman ou ce bracelet que portait cet homme-là, il a cité ce verset-là. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Il n'y a aucun doute que ce verset-là, il a été révélé concernant le shirk akbar, conformément à l'explication, au tafsir d'Ibn Abbas, radiyallahu an. Ibn Abbas, il dit, leur iman, c'était quoi? Le fait que lorsque tu leur demandes qui les a créés, ils disent Allah. C'était ça leur iman. En fait, l'iman bar-rububiyya, la seigneurie. Et après, il dit quoi ? وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَعْبُدُونَ غَيْرًا. Et avec ceci, avec cette croyance-là, ils donnent des associés à Allah en les adorant comme on adore Allah, en leur donnant quelque chose de l'adoration. Or, ça, c'est du shirk akbar. صَرْفَ الْعِبَادَ لِغَيْرِ اللَّهِ donner l'ibada à un autre, Allah Azza wa Jal, c'est la définition du shirk akbar. Donc malgré leur croyance, c'était quoi leur iman? Leur iman, c'était le fait de croire que c'est Allah Jalla wa'ala qui les a créés, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne le bien, etc. Mais malgré cela, ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah, on sait pourquoi, pour se rapprocher d'Allah ou pour les prendre comme intercesseurs. Donc on voit que le sens, ce verset-là, il a été révélé dans le shirk akbar, pas dans l'asrar. Et pourtant, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu an, il a utilisé ce verset-là dans un sujet du shirk asrar. Il a utilisé ce verset-là qui a été révélé pour quelque chose qui concerne le shirk al-akbar. Il l'a utilisé dans l'asrar. Ce qui montre qu'on a le droit de prendre comme dalil un verset révélé dans le shirk al-akbar et l'utiliser pour l'asrar. Il dit pourquoi? Parce que le verset, il englobe les deux sortes de shirk. Et le shirk el-asrar, il rentre dans les noms qu'Allah Jalla wa Ala. Illa wa hum mushrikun. Mushrikun, yani. Mushrikun. Shirk, mushrikun. Allazi yaf'al shirk. Allazi yushrik. Le mushrik, allazi yushrik. Il rentre là-dedans, dans le fait de yushrik. Yushrik, shirk et l'asghar. Le shirk et l'asghar, il rentre dans l'ism. Ou dans le musamma, plutôt dans le musamma. Et ça montre quoi? Ça montre l'autorisation d'utiliser, comme on l'a dit, un verset révélé dans le shirk al-akbar pour le shirk al-asghar, et ça montre que l'istidlal que le shirk fait au début du chapitre en citant le verset Wallah Jalla wa Ala, il dit Afaraytum ma tad'ouna min dunillah in aradani Allahu bi dur halahunna kashifat durri. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري. Ça c'est descendu dans l'akbar. Et le shir l'a utilisé dans quoi? Dans l'asghar, puisqu'on parle, on est en train de parler des talismans, de tout ce qui est talisman. C'est une sorte de shirk asghar à la base. Et il a utilisé un verset révélé dans l'akbar. Et il montre que c'est un istidlal sahih en citant l'athar de Hudhayfa. Même si, encore une fois, certains ulémas disent qu'il est « da'if athar ». Mais on voit que c'était l'habitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser ces versets-là dans « descendu dans l'akbar » et dans l'asghar. Et il dit, on voit aussi ici la science parfaite qu'avaient les compagnons concernant le shirk et concernant le tawhid et concernant le sens de cette shahada de la ilaha illallah avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé. Et ce qui contredit aussi, donc ce qui contredit donc la connaissance du tawhid, est-ce qui contredit sa base, donc du shirk akbar, est-ce qui va contredire le tawhid obligatoire, c'est-à-dire l'iman al-wajib parmi les sortes de shirk et l'asghar, comme dans ce hadith-là. Et c'est comme ça qu'on répond quand les gens, on en a déjà parlé, quand on vient nous dire que al-hakim bi ghayri ma anzalla, le gouverneur qui ne gouverne pas avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et qui impose à son peuple une autre loi et qui utilise la parole d'Ibn Abbas, kufrun duna kufr, dans le verset wala jallu ala yadi man lam yahkum bima anzalla fa ulaika humul kafirun. قال ابن عباس كفر دون كفر et qui utilise ça pour protéger les gouverneurs, les tawarites, d'écarter d'eux le statut de la mécréance, et ils utilisent la parole d'Ibn Abbas, on répond exactement de la même manière qu'Ibn Abbas, que ce qu'on a dit ici. Ibn Abbas, il dit كفر دون كفر. Est-ce que ça veut dire que ce verset-là, il concerne, il a été révélé dans le shirk al-asghar? Non, il a été révélé dans l'akbar. Mais Ibn Abbas, il cite, en référence à ce verset-là, il cite une sorte de shirk qui n'atteint pas l'akbar, qui est du shirk al-asghar, qui n'atteint pas l'akbar, mais qui rentre dans le sens du verset. Comme il l'a fait ici à Hudhayfa, et comme il l'a fait le shirk au début du chapitre avec le verset qu'il a cité, et comme Ibn Abbas radiallahu anhu, il le fait lui-même dans Surat al-Baqara, quand Allah Jalla wa Ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, et ne donnez pas d'associer à Allah alors que vous savez que c'est lui qui vous a créé, etc. Ibn Abbas dit قَوْلِ الْإِنسَانِ لَوْلَا الْكِلَابُ الْكُوَيْلِبُ لَدَّخَلَ اللَّسْ وَلَسَرِقَ اللَّسْ مِنَ الْبَيْتِ. S'il n'y avait pas eu le chien de garde dans la maison, alors le voleur, il aurait pu rentrer et voler. Il cite ça dans le tafsir de « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ». Ne donnez pas à Allah des associés. Il n'y a aucun doute que ce qui est voulu dans le verset, c'est le shirk al-akbar. Ne donnez pas à Allah des associés en adorant d'autres divinités en dehors de lui. Alors que vous savez que c'est lui qui vous a créé. Et Ibn Abbas, il utilise ce verset et dit, c'est celui qui va se reposer sur le sabab. Il a mis un chien de garde, ça y est, pour lui, il a mis le chien à khlas. Le voleur, il ne peut pas rentrer. Et il oublie Allah Azza wa Jal. Il se repose, ce qu'on a vraiment, l'i'atimad ala sabab. Ça, c'est une sorte de shirk asghar. Pourtant, il a pris le verset clairement révélé dans l'akbar. Donc, c'est de la même manière qu'on répond dans la parole de kofrun duna kofr, dans la mécréance des gouverneurs. Tawarit al-hukam al-tawarit. On va arrêter là, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, Ta'ala, on ira le chapitre qui suit et qui est un complément de ce chapitre-là. Babul Maja'a fi Ar-Ruqa wa Tama'im, le chapitre de ce qui vient dans donc la Ruqiyya, les incantations, et dans At-Tama'im, les talismans. Et on verra que ici, il y a un détail concernant les talismans qui sont faits à partir de versets du Coran ou des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les salafs ils ont divergé quant au statut de ce genre de talisman, genre de tamima, tamaim. Et inshallah, on arrête là pour aujourd'hui. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.